Iman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le ministère du Commerce décide de suspendre l'augmentation des prix de certains produits Brahoudi, tel qu'annoncé hier dans un communiqué de cette entreprise. Nous devons réagir et nous devons suspendre cette mesure de revoir à la hausse les prix de certains produits Brahoudi. C'est le ministre Jean-Marie Niokindi qui explique que cette hausse des prix a été prise de façon unilatérale par la Brahoudi. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et le gouverneur de la province Rumonge a décidé de suspendre à partir de ce lundi des voyages de Burundi vers la République démocratique du Congo via le port commercial de Rumonge. La décision a été prise après le refoulement par les Congolais de 54 Burundais, dont 50 ressortissants de la commune Rumonge. Et dans le reportage du jour, des femmes de Makamba s'organisent en tontine pour subvenir à leurs besoins et faire vivre leur famille. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le ministère du Commerce s'insurge contre l'augmentation de certains produits de la brasserie du Burundi, tel que cela apparaît dans un communiqué rendu public ce lundi. Le ministre Jean-Marie Niokindi, qui affirme en avoir été informé par les réseaux sociaux, déclare que cette décision est unilatérale et que donc elle viole les procédures habituelles de changement des prix pratiquées qui passaient par la concertation avec le gouvernement. Les prix de tous les produits restent donc inchangés. On l'écoute. Il n'y a eu aucune concertation avec tous les partenaires. Et l'État est partenaire à la Brahoudi. Et comme il n'y a pas eu de concertation pour procéder à cette hausse, nous pensons que, en tant que ministre en charge du commerce et de l'industrie et du tourisme, nous devons réagir et nous devons suspendre cette mesure de revoir à la hausse les prix de certains produits Brahoudi. Et quelle devrait être alors normalement la procédure de la hausse des prix des produits Brahoudi? Normalement, pour une hausse de prix, il y a une concertation. D'abord, il y a une réunion en interne à la Brahoudi par tous les partenaires. Et puis, quand une proposition a été prise en conseil d'administration, elle monte au ministère de tutelle, le ministère du Commerce, soit pour entériner, soit pour des observations. Nous n'avons pas eu à faire quoi que ce soit, nous n'avons pas eu à faire une observation, nous n'avons pas été concertés avant de prendre cette mesure de revoir à la hausse le prix de certains produits Brahoudi. La mesure qui a été prise par la Brahoudi aujourd'hui est suspendue jusqu'à ce qu'il y ait une concertation avec toutes les parties prenantes dans le domaine. Voilà, c'était le ministre en charge du commerce, Jean-Marie Niokindi. Et dans un communiqué rendu public ce lundi, la brasserie du Burundi, Brahoudi, avait recommandé les prix suivants pour les consommateurs. La Primus Nyongera, 72 centilitres à 1100 francs burundais. L'Amstel, 65 centilitres, devait coûter 1900 francs burundais. Et l'Amstel Bock, 33 centilitres à 1300 francs burundais. Et l'Amstel Royal, 50 centilitres, devait coûter 2200 francs burundais. Le communiqué précise que les prix consommateurs des autres produits devaient rester inchangés. Le gouverneur de la province de Rumonge a décidé de suspendre à partir de ce lundi des voyages de Burundais vers la République démocratique du Congo via le port commercial de Rumonge. C'est après le refoulement par les Congolais de 54 Burundais, dont 50 ressortissants de la commune Rumonge. Des Burundais refoulés après des séances de torture mortelles, selon leur dire. Pour Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, les métiers recherchés en RDC existent bel et bien au Burundi. Jean-Pierre Misago. Le calvaire de ces Burundais a commencé dès leur arrivée à Kalamba, dans le sud de Kivu, en République démocratique du Congo, vers 2h du matin de ce mercredi. Là, ils disent avoir été accueillis par les militaires de la République démocratique du Congo, un accueil inhabituel car ils disent avoir été dépouillés de leurs biens de valeur et ont été ligotés. Arrivés au cachot à Uvira, ils indiquent avoir été torturés à mort, un traité malheur infligé, selon eux, par des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, ces Burundais, qui étaient habitués à fréquenter la RDC sans s'inquiéter, ne comprennent pas ce retournement de la situation. Pour Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, c'est peut-être parce que tous les services ne sont pas encore dotés de nouveaux chefs dans cette région. Et pour cela, les Burundais qui fréquentent la République démocratique du Congo via le port commercial de Rubongé doivent attendre. On a pris des mesures que aucun Burundais maintenant n'ira en RDC durant ces jours jusqu'à ce que tous les services administratifs soient mis en place en RDC. Par ailleurs, il devrait rester au Burundi car les métiers recherchés au Congo existent également au Burundi. Je voudrais donner un conseil, qu'il reste au Burundi, qu'il y travaille, qu'il y développe leur pays, le Burundi. Au Burundi, il y a de l'emploi. Ils peuvent chercher, gagner la vie, étant au Burundi, sans aucun problème. Malgré cet état de fait, les Congolais peuvent fréquenter le Burundi via le port commercial de Rumonge, car les frontières burundaises ne sont pas fermées, précise le gouverneur de Rumonge. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Plus de 30 tombes sont endommagées au cimetière de Manda. Les fossoyeurs expliquent que c'est à cause des pluies intenses. Les familles qui ont enterré les leurs demandent que ces tombes soient réparées puisqu'elles ont payé les montants exigés. L'administrateur de la commune Guihanga indique qu'il est de la responsabilité des pompes funèbres qui les ont construites de les réparer. Léopold Ndayisaba ajoute qu'il prévoit organiser tous ceux qui travaillent en association à ce cimetière afin que chacun sache sa tâche. Les détails dans cette correspondance d'Ospes Caritas Kabanyana. Quand on arrive au cimetière de Manda, on est accueilli par des ouvriers avec des houes et des pelles dans les mains. Ils vous demandent ce que vous souhaitez, si vous voulez faire reconstruire une tombe ou pas. Ils vous demandent même le nom de celui que vous avez inhumé pour qu'il vous aide à chercher et vous taxe un certain montant pour remplir la terre dans la tombe une fois que vous trouvez qu'elle est endommagée. Plus de 30 tombes dans ce cimetière de Manda ont été détruites. Elles sont à moitié ouvertes. Les fossoyeurs que nous y avons rencontrés ce lundi nous ont appris que c'est à cause des pluies intenses. Les familles qui ont enterré les leurs dans ce cimetière se lamentent et demandent que les pompes funèbres auxquelles elles ont payé de l'argent puissent réparer et reconstruire ces tombes. De son côté, l'administrateur de la commune Guihanga indique que les pompes funèbres concernées devraient remettre en bon état les tombes endommagés. Léopold Ndayisaba ajoute qu'il prévoit organiser tous ceux qui travaillent à ce cimetière en association afin que chacun sache sa tâche et sa responsabilité. Spes Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Intégrer les enfants en situation de rue dans des centres professionnels et le renforcement des enseignements relatifs à la paix. Voilà certains des avantages du projet Ouanamu Muryango qui va être exécuté dans quatre provinces du pays, à savoir Bujumbura-Mairie, Bujumbura, Muyinga et Gitega. Le secrétaire permanent au ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre l'a déclaré ce mardi lors du lancement officiel de ce projet. Félix Ngendabanyikwa précise que ce projet appuiera également les familles qui hébergent les ex-enfants de la rue. On vient de procéder à un projet communément appelé Ouanamu Muryango, où il était question de montrer quels seront les objectifs du projet. Et ce projet sera mis en œuvre en collaboration avec l'ONG IRC. Nous attendons effectivement de ce projet une valeur ajoutée par rapport aux activités que nous menons au niveau du ministère. Surtout que le projet en soi va recadrer l'enfant au niveau de la famille, va montrer l'importance de l'enfant au niveau de la famille, le rôle des parents par rapport à l'éducation des enfants, le rôle des différents intervenants au niveau de la famille, mais également la place de l'enfant au niveau communautaire. Le projet en soi va travailler sur les différents groupes de familles, mais également il va centrer ses activités sur ce qu'on appelle les centres résidentiels ou les orphelinats, qui hébergent des enfants sans parents, démunis, qui ont été hébergés dans ces centres, où ils auront un encadrement de façon générale, mais également où on devra encadrer aussi au niveau communautaire les familles qui ont accueilli les enfants, qui se baladaient dans les rues, qui ont été réintégrés au niveau des familles. Je vous dirais qu'avec l'évolution du travail qui est fait par le ministère, il y aura une valeur ajoutée sans doute. Il y avait par exemple une activité qu'on avait déjà entamée par rapport au retrait des enfants en situation de rue et des mendiants, où il va falloir que le projet en soi puisse appuyer ces activités parce qu'il y a des enfants qui retournent au niveau de leur famille, mais que les familles ne sont pas à mesure de pouvoir aussi maintenir les enfants dans les familles. Ils auront donc des appuis potentiels en termes d'activités génératrices de revenus, mais également en termes de transfert monétaire aussi, sous forme d'association, où ces familles devront bénéficier un peu d'appui par le projet pour pouvoir le minimum de base pour faire encadrer les enfants au niveau de la famille. À la source, reportage. C'est un grand avantage pour la femme de se regrouper en association. En plus de leur autonomisation, elles peuvent s'entraider mutuellement selon les femmes de la colline Makamba 2 de la commune et province Makamba qui vivent des activités d'épargne et de crédit. Ces femmes expliquent qu'elles peuvent satisfaire leurs besoins et contribuer à la vie de la famille. La commune Makamba demande à ces femmes de ne pas consommer tous leurs bénéfices, mais d'en épargner une partie. C'est un reportage de Placide Niyomongere de retour de Makamba. Ces femmes regroupées en tontine, la majorité se rencontrent dans un endroit appelé Kuibereshi, à quelques mètres du marché de la commune Makamba. Le bruit des moulins fait partie des caractéristiques de cette place où chaque femme attend que son manioc soit moulu pour enfin vendre la farine. Chaque tontine est composée de 30 femmes. Inandegia Jacqueline fait partie de ces groupements et affirme que chaque membre fait du commerce de sorte voulue. Nous exerçons le commerce de manioc ou autres produits. Il y a d'autres qui tiennent des restaurants ou encore des habits au marché. Daishimi Rapnes, une de ces femmes, témoigne avoir adhéré à ces tontines après avoir manqué à qui s'adresser pour un microcrédit. Je menais une vie difficile. Si je demandais de l'argent dans le voisinage, je rentrais main vide. Avec ces associations, vraiment, la vie est belle. Apnes indique également qu'elle a commencé à donner une contribution périodique de 2500, ce qui a constitué un capital de départ. J'ai donné ma contribution sous forme d'épargne durant toute l'année. J'ai totalisé 200 000 francs pour le capital et j'ai poursuivi avec les contributions de 2500 francs jusqu'aujourd'hui. Même si certains ne règlent pas les dettes, nous enregistrons quand même des gains. Ces femmes font savoir que l'intérêt est énorme pour elles, car, disait-elle, en cas de besoin, il est facile d'avoir de l'argent. Il peut arriver qu'on soit dans une misère sans nom. Tu contractes une dette dans cette tontine et tu es servi. Vraiment, c'est un grand avantage d'être en association. En plus de leur autonomisation familiale, via ces petits projets à base de crédit, une partie de leur contribution périodique sert d'entraide, comme l'explique Marine Douimana, chef collinaire de Makamba 2, qui indique qu'elle aussi, pour servir d'exemple, elle est membre de ces groupements au nombre de 4 sur sa colline. Au niveau de la commune Makamba, ces tontines sont les bienvenues, mais regrette Silidinda Gijimana, le conseiller chargé du développement, que la commune n'a pas encore donné son coup de pouce financièrement à ces groupements. La commune appuie ces organisations au niveau administratif et au niveau réglementaire, en ce qui est des statuts de ces organisations. Côté financier, pas directement, mais dans la nouvelle politique du gouvernement, c'est l'équipe pour se développer, se transformer en coopérative pour bénéficier des financements de la commune à la même hauteur que les autres coopératives. Ce conseiller chargé du développement demande à ces femmes de ne pas affecter tout le bénéfice à la consommation, mais plutôt en épargner une partie pour augmenter le capital. Placide Niyomongere, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous en retiendrez que le ministère du Commerce a décidé de suspendre l'augmentation des prix de certains produits Brarodi, tel qu'annoncé hier dans un communiqué de cette entreprise. Le ministre Jean-Marie Niyokindi a expliqué que cette hausse des prix a été prise de façon unilatérale par cette brasserie du Burundi, la Brarodi. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui a été mis en onde par Eli Kadogo. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un très bon après-midi.